monsieur, que je vous trouve à propos. Suivez-moi vite. Qui est-il? Suivez-moi, vous dis-je. Nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Quoi? J'ai dîné ceci tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment as-tu fait? Vous saurez tout. Souvenons-nous, je l'entends crier.